spécial de cassette, simple et conférencier, je me suis jamais écouté. Peut-être que je vais en profiter. Bon. Alors ici, il y a Patrick qui m'a fait un dessin. Courbe de l'évolution, raccourci. Est-ce qu'il y a eu une décision à ce point d'évolution où il y a le raccourci? Alors la personne demande, si on refait un cheminement qui est déjà accompli, et si on parvient à courber le temps, est-ce qu'il y a déjà eu une décision là? Non. Par contre, la conscience qui habite la mémoire, qui refait le chemin, est de la conscience intentionnelle. Et lorsqu'elle parvient à comprendre les mécanismes, donc à vibrer la mécanicité de l'évolution spatio-temporelle, elle peut, par l'intermédiaire de catalyseurs d'évolution, changer la... Elle ne change rien à l'évolution du personnage, elle ne fait que courber l'espace-temps. Donc, l'évolution va continuer son cours, sauf que la conscience, et la conscience qui habite cette mémoire, et cette conscience qui habite cette mémoire, c'est vous, c'est moi. Individuellement, c'est nous. Et les autres consciences, ils font le travail. Moi, en tant que conscience, je ne peux pas suivre le même chemin. La courbure du temps me permet d'aboutir immédiatement sans rien changer de toute façon à ce qui va arriver. Par contre, la conscience, elle va aboutir. Il n'y a pas eu de décision. C'est un phénomène qui est relié à la courbure de l'espace-temps. C'est un phénomène qui est melchisédien. Maintenant, si je dis par l'intermédiaire de force melchisédienne, on peut y parvenir, on peut demander la question, comment on fait de bord pour acheter ces oiseaux-là? Eh bien, on ne les achète pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de travailler chez soi, devenir instantané, et à un moment donné, ça va exploser et on sera instantané. Quand on met des noms, des mots sur certaines choses, l'humain a énormément de tendance à personnifier. Lorsque la Bible parle de Yahvé ou des Elohim, l'être humain personnifie immédiatement. Jean, lui, avait été rusé, il parlait du verbe. Et là, on n'est pas arrivé à personnifier le verbe. C'est la même chose. Pour améliorer la communication, on parle donc de Melchisédek, on parle de ceci, de cela. Ce n'est pas un personnage à qui on doit aller chercher l'aide. On ne peut pas le prier. On doit travailler et il y a des processus qui s'enclenchent. C'est comme lorsque l'on parle de glande surrénale. Ah, monsieur glande surrénale, non, personnifions pas glande surrénale. N'empêche que c'est une mécanicité qui existe, qui peut être enclenchée. Comment pouvons-nous faire en sorte que la glande surrénale sécrète des hormones? Eh bien, on a juste à imaginer la peur. Et ça va la mettre en marche. Donc, on n'a pas besoin de la prier. Ça marche. Quel est le rôle ou l'intérêt de l'homme qui devient instantané? Demeure-t-il sur le plan physique? L'homme qui devient instantané échappe totalement à tout phénomène évolutif, manipulateur, ascendant ou descendant, évolutif ou involutif, de cette création. Il se rejoint lui-même là où il est et il bénéficie donc de l'accomplissement de son rôle. La question qui, de toute façon, devra être quelque part là-dedans ici, c'est assez étonnant que ce ne soit pas le cas. Qu'est-ce qui arrive une fois qu'on a fini? Je ne dis pas que j'y reviendrai pas, mais pour l'instant, continuons de travailler pour en finir. Je veux tout maintenant et dans tous les domaines de ma foi en ces choses. Quel processus mental et physique je dois avoir? Le processus mental et physique est de l'impatience. Je veux tout maintenant. La personne, elle travaille sur différents plans présentant au niveau de son évolution. Cela lui amène du point de vue de l'ego, et seul l'ego est impatient. Cela lui amène du point de vue de l'ego la connaissance de d'autres, de mondes parallèles, la connaissance archangélique, séraphique, la connaissance de prémonition supramentale, la connaissance intuitive, la connaissance d'une extrapolation astrale dans le monde de la mort, dans le ciel, et la pluralisation de ses perceptions focalisées dans son ego lui amène plusieurs, du point de vue de l'ego, plusieurs pensées, plusieurs idées, et elle trouve ces choses intéressantes et utiles, et elle aimerait les accomplir immédiatement. Étant donné que sa perception pluralitaire est déphasée dans le temps, soit vers le passé, soit vers l'avenir, elle ne peut pas appliquer ses décisions ou ses pensées immédiatement dans son contexte ou dans son continuum. Nécessairement, elle vit du point de vue de l'ego, de l'impatience. Je veux tout maintenant. Ce n'est pas un problème de vouloir tout maintenant. Le problème est lorsqu'on est frustré de ne pas avoir tout maintenant. Et ce essayez de vouloir qu'une chose se fasse et ne soyez jamais frustré émotivement qu'elle ne se fasse pas. Et nécessairement, vous courbez le temps. Elle se fera dans l'apparence plus rapidement. Est-ce que vous nous conseillez les livres d'Abrouchin? Si vous aimez les livres d'Abrouchin, je vous les conseille fortement. J'ai 16 ans. Comment puis-je contrôler mes émotions? Et comment atteindre le meilleur de moi-même? On ne contrôle pas ses émotions. Ce sont les émotions qui nous contrôlent. Contrôler les émotions, c'est vouloir conserver l'ennemi à l'intérieur du camp. Cela peut, du point de vue de l'ego, amener une jouissance, le pouvoir. On doit transformer l'ennemi en ami. On doit transformer l'émotion en sentiment. Le sentiment est une perception instantanée entre une chose que l'on observe et nous qui observons. Les sentiments ne manipulent pas, les sentiments ne font pas souffrir, les sentiments sont intelligents. L'amour n'est pas une émotion, l'amour intelligent est un sentiment. Comment puis-je contrôler mes émotions? Je le répète, les émotions contrôlent l'homme. Alors, lorsque l'être humain vit de plus en plus d'une façon instantanée, nécessairement l'émotion ne peut pas prendre dessus sur elle. Lorsqu'une personne voit quelque chose de beau et qu'elle ne se contente que de boire la vision, de s'abreuver énergétiquement à l'onde de forme, elle ne vit pas l'émotion. Lorsque la personne commence à penser que c'est beau, la pensée provient de la mémoire, la personne ne regarde plus la chose, maintenant elle tripe sur la mémoire de ce qu'elle voit, et là, elle crée l'émotion. Et si l'émotion n'est pas nourrissante pour son ego, ce sera une émotion négative, elle en souffrira. Si l'émotion est plaisante, elle pourra s'en nourrir, mais nécessairement, toute émotion plaisante est attachée à un danger. L'émotion plaisante aura une fin, et la fin est elle-même une souffrance. Comment atteindre le meilleur de moi-même? Vous connaissez les réponses à ce genre de questions. Comment atteindre le meilleur de soi-même en étant ce que nous sommes? Tous les êtres humains savent lorsqu'ils sont relaxés, lorsqu'ils sont en paix, pas avec eux-mêmes, lorsqu'ils sont simplement calmes, les êtres humains savent toujours ce qu'ils doivent faire. Pour éviter la souffrance de la lutte de l'ego qui mémorise la conscience contre le libre-arbitre, contre l'anti-libre-arbitre de l'événementiel en avant de lui. Alors, lorsque l'être humain veut maigrir, s'il les relaxe et qu'il se pose la question, il verra tout ce qu'il doit faire. Il ne pourra peut-être pas le mettre en application. Mais la question, comment faire pour atteindre le meilleur de moi-même, on connaît la réponse. Est-ce que la vie de l'homme est déterminée par le temps comme pour l'homme? Est-ce que la vie de l'animal est déterminée par le temps comme pour l'homme? C'est la même chose, sauf que l'animal n'a pas de conscience de cette mécanicité. L'animal n'a pas conscience de sa conscience. L'animal n'a pas conscience d'être. L'animal, il est là pour suppléer conditionnellement à la nourriture et à la distraction des plans inférieurs planétaires de l'homme. Peut-on choisir sa destinée? Oui, vous l'avez déjà fait. Maintenant, il est trop tard. Quand on souffre, c'est quoi se créer une nouvelle mémoire par en avant? Ne plus entrer en contact avec la personne en question? Ici, c'est de la manipulation sur une autre manipulation. Lorsque l'on souffre, comment arriver à ne plus souffrir? La mécanicité qui me plaît le plus d'exprimer, c'est celle de voir les choses comme elles sont, donc de voir, de constater l'instantané de la manipulation. Observons ceci. Je me lève, il faut qu'en arrière, on comprenne. Bon. Je me pince la main. Me pinçant la main, je me fais mal. Mais je ne suis pas fou, je me pince pas trop fort. Bon. Alors, disons que je me fais mal. On peut faire une expérience. Pincez-vous toute la main. Soyez pas trop cave non plus. Pincez-vous pas trop fort. Et vous allez voir une chose. C'est qu'on sent une douleur. Mais cette douleur, elle n'a pas de continuité spatio-temporelle. Elle ne continue pas dans le temps. La douleur à venir, je ne la sens pas. Celle qui est passée, je ne peux plus la sentir. Et l'instantané de ma douleur, il n'est pas temporalisable. C'est toujours passé ou pas là. C'est toujours à venir ou passé. Comment se fait-il que je puisse souffrir? Je lâche, je frotte, mes cellules douloureuses sont plus stimulées et moi, je continue à sentir. Et je peux même, après un accident, continuer à sentir et à souffrir, même si il n'y a plus de souffrance. L'être humain qui vit la souffrance devrait essayer de brancher toute l'orchestration de sa conscience, de sa perception sur l'instantané. Une technique, essayer de découvrir où est le temps de ma souffrance. Et le temps que je t'occupais à ça, toutes les mémoires de ma souffrance ne seront pas stockées au niveau de mon âme, ce qui fait que l'ego ne pourra même pas savoir que je souffre. Mais il y a d'autres moyens de ne pas souffrir. Quand on parle de souffrance psychologique, c'est la même chose que pour la souffrance physique. Mais la souffrance psychologique, elle est intimement liée au désir et à l'espoir. J'aurais voulu que, j'aimerais que, je pensais que, et la réalité nous amène ce qui est, et l'être humain résistant souffre. Éliminer la souffrance, c'est cesser de résister contre le neuf. C'est cesser de faire en sorte que tous les automobilistes en arrière de nous passent en même temps que le feu vert. C'est abdiquer sur le passé, à l'instant où le passé nous fait souffrir. Quand une chose fait souffrir l'homme, c'est que la chose, elle change quelque chose. Et la résistance au changement, du point de vue psychologique, engendre nécessairement la souffrance. On disait que les fléaux naturels, la pluie et le beau temps, influençaient sur le mental des gens. Maintenant, on prouve que la mentalité des gens détermine les conditions climatiques. Si ce n'est pas un libre-arbitre, c'est quoi? Quand un être humain manipule les conditions climatiques, est-ce que c'est parce qu'il l'a désiré? Ou si c'est, ça donne que... Et si l'être humain l'a désiré, pourquoi veut-il du soleil? Parce qu'il pleut. Ah! Et il y a autre chose. Quand une personne se concentre pour avoir le soleil, pendant que le voisin se concentre pour avoir de la pluie, le libre-arbitre est encore une fois mis aux poubelles. L'intentionnalité de l'homme vient d'une réaction? Non. C'est une question. Le savoir, sait-il qu'il sait? Le savoir instantané ne sait pas qu'il sait. Tout phénomène énergétique apparemment supérieur à l'homme, même les hiérarchies, ne sont rien sans la présence de l'homme. Dieu n'est rien s'il n'y a pas un homme pour le contempler. Le plus beau morceau de musique n'est rien s'il n'y a pas des oreilles qui peuvent le déguster. L'intelligence supramentale n'est foutrement rien s'il n'y a pas l'homme pour l'exprimer. Et s'exprimant par l'homme, elle prend conscience. Le savoir ne sait pas qu'il sait, seul l'homme sait qu'il sait. Et si le savoir veut savoir qu'il sait, il doit être exprimé par l'homme. De ce point de vue, l'homme qui sait n'a pas besoin de chercher à savoir qu'il sait. Il ne se pose même pas la question parce que le savoir est instantané. Instantanément, il sait qu'il sait. Écouter de la musique à n'importe quel moment, où on en a envie, est-ce bon pour l'homme? Ou doit-on plutôt choisir ses moments? On doit orchestrer ces moments et on doit nécessairement choisir ces morceaux de musique. Chaque forme de morceau musical est comme une main qui vient tripoter l'homme. Autant choisir le bon manipulateur. Il y a des morceaux musicaux qui énervent, d'autres qui énergisent, d'autres qui font digérer, d'autres qui calment et d'autres qui tuent. Quand on est anégoïsé veut dire sans égo, antiquement appelé humble. C'est plus précis, anégoïque, parce que l'humilité ne vient pas du désir de l'ego d'être humble et de paraître humble. Il est modeste et il s'en vante. Ce n'est pas cela. Anégoïque veut dire plus d'ego. Ça ne nous tue pas de nous faire admirer. Toi, ça te tue. C'est bien. Preuve que tu as encore de l'ego à tuer. Quelqu'un d'anégoïsé est-il réellement frustré de se faire admirer? Ce n'est pas une question, c'est une personne qui essaie de se supporter un peu plus en essayant de voir chez autrui des bibites. Est-ce que refuser d'apprendre par cœur, exemple en classe, au travail, des numéros de téléphone, etc., est intelligent dans le sens de refuser d'accumuler de la mémoire? C'est intelligent si on est capable d'avoir le numéro quand on en a besoin. Courber le temps, est-ce accélérer le temps? Courber le temps du point de vue de ceux qui ne le courbent pas équivaut à accélérer le temps de celui qui le courbe. C'est relatif. Si oui, à part la tentative, comment y parvenir? L'anégoïsation amène courbure spatio-temporelle, parce que l'anégoïsation, c'est la dissolution de l'ego, transposition de l'ego en énergie vitale, transposition de l'énergie vitale en double éthérique, ce qui permettra à un moment donné la fusion entre le double éthérique constitué et le corps de l'homme, et c'est le sujet de la conférence la semaine prochaine. La différence entre les Melchisédèques qui sont autour de la Lune et que tu appelles l'archange. Il y a dans l'ordre melchisédien différents phénomènes. Lorsque je parle de Melchisédek, je parle de tout ce qui se relie à Maki Vanta Melchisédek, un bonhomme, enfin une entité énergétique qui, à un moment donné, a vécu sur le plan planétaire, et c'est le seul phénomène qui a été capable de gérer, donc d'avoir une gestion de nouvel ordre de Melchisédek extrêmement planétaire, celle des hommes qui ont refusé le contact avec l'hiérarchie. Les archanges qui sont lunaires, de toute façon, ce sont des phénomènes qui ne font que préserver la mémoire de la provenance énergétique de l'homme lorsque la Terre était en constitution. Bon, à un moment donné, possiblement que je reviendrai sur ce phénomène. C'est une chose qu'on attaque de temps en temps en séminaire, ça dépend des questions, mais ça serait extrêmement long et j'ai beaucoup de questions. Tu dis que tout est accompli. Alors, pourquoi dire que l'homme peut recommencer l'erreur de la création, puisque qu'il n'a aucun libre-arbitre? Ce qui est accompli, ce n'est pas la dissolution du temps. Ce qui est accompli, c'est la dissolution de l'univers. Nécessairement, à travers l'accomplissement de la dissolution de l'univers, le temps est disparu. Mais dans la mémoire de cette disparition, il reste le temps. Dans cette mémoire du temps, si nous recommençons, nous ne faisons que repartir à zéro. Nous n'étirons rien, nous ne ralentissons rien. Mais du point de vue de notre conscience, nous allons simplement continuer à souffrir. Comment pouvons-nous recommencer l'erreur de la création puisqu'il n'y a aucun libre-arbitre? En fait, si le tout recommence, c'est que cela est décidé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une nuance majeure entre un phénomène intentionnel et un phénomène temporel. Le temps est quelque chose d'élastique. Donc, en ne changeant rien de ce qui se passe, on peut tout changer. Nous prenons un ballon de baudruche, une balloune. Bon, on va tout faire un tour chez McDonald's, et puis là, il nous gonfle une balloune après un bonhomme qui souffle dedans. Là. Sur la balloune, il y a un personnage. Lorsque le ballon est dégonflé, le personnage est petit. Je le connecte dedans, et là, j'étire la peau de la baudruche, comme le temps peut s'étirer. Et étirant cela, je ne déforme pas le personnage. Le personnage est toujours comme ça. Tout reste la même chose. Mais quelque chose est changé. Et je tire. Admettons qu'il n'éclate pas. Chaque point du dessin, par rapport aux autres points du dessin, garde toujours le même emplacement sur le ballon. Rien n'est changé. Mais tout est changé. Ce n'est pas de l'intentionnalité, ce n'est pas du libre-arbitre du point de vue des points, mais il y a des mécanicités qui font en sorte qu'à un moment donné, la balloune, elle va bouger. Mais ce n'est pas le point qui décide. L'homme n'a pas plus de libre-arbitre, mais si l'espace-temps est courbé, nécessairement, et pas par l'humain dans le sens égoïque du mot, par la conscience de l'homme. La conscience de l'homme ne peut même pas désirer. Elle accomplit. Le libre-arbitre est l'abstinence. Le libre-arbitre est l'idée que l'homme a du point de vue égoïque, du point de vue de ses désirs et de ses espoirs d'accomplir des choses. De toute façon, tout ce que vous avez à faire dans la semaine qui vient, c'est de vérifier quel est le pourcentage de tout ce que vous allez désirer qui va aboutir. Et faites attention, ne faites pas comme tout à l'heure j'ai expliqué, parce qu'on vous tire par là, vous dites, tiens, je décide d'aller par là. Ah, j'ai réussi. Non. Quand vous décidez d'aller aux toilettes, sachez que c'est parce qu'il y a une raison. Hein? Bon. Vous allez dire, non, je décide d'attendre. C'est pour concurrencer ce que j'ai dit. C'est encore une manipulation. Lorsque dans le séminaire, je dis à une personne qui ne comprend pas, je dis « lève-toi ». Elle me dit « non, je reste assis, c'est une décision que je prends ». Ça, c'est pour résister, hein? C'est pour me contredire. C'est ça. Et voilà, t'es manipulé. Que tu restes assis ou que tu te lèves, à l'instant où je te pose la question, t'es fait. Et c'est toujours comme ça. Et la personne, toute contente, me dit « oui, mais si tu poses la question, c'est que t'es fait toi aussi ». Et moi, je réponds « oui ». Comment faire pour savoir si on est collectif ou si c'est vraiment nous-mêmes qui vibrons sur quelque chose? Il me semble essentiel de le savoir pour poursuivre mon évolution. Cela va de soi. Comment faire pour le savoir? C'est simple. Si on est une masse à y aller en même temps et que notre déplacement est engendré par un désir et non pas par une vision intelligente de la chose, on est sans doute collectif. Mais surtout, si à travers ce déplacement, on a besoin d'être reconnu par autrui, on demande l'opinion à quelqu'un d'autre, on fait attention à ce que les autres vont penser ou dire de nous, on est collectif. Si on sent le besoin d'expliquer à quelqu'un pourquoi on va le faire, on est collectif. Quand on est individuel, on dit à une personne, je vais me coucher. Elle me dit pourquoi, et on répond, parce que je vais me coucher. Et on va se coucher. Là, on est individuel. Si on doit expliquer des raisons, on est collectif. On doit avoir l'accréditation de l'autre, alors qu'on sait ce qu'on a besoin de faire. S'il y a un apocalypse, certains la vivront, et d'autres la bypasseront, la surpasseront, survoleront, la sublimeront. Il y a beaucoup de mots français, c'est bon. Là-bas, ils passeront. Dans quelle proportion? Ah, bon, ça, c'est... Est-ce que ceux qui la surpasseront en auront conscience ou changeront-ils tout simplement de vibration? Ceux qui ne vivront pas l'apocalypse le sauront. Et ceux qui le vivront le sauront. Quel rôle le supramental et les extraterrestres auront-ils à jouer dans cette période en rapport avec l'humanité? L'énergie supramentale est un phénomène extraterrestre en ce sens qu'il n'est pas rayonné ou généré par la condition expérientielle de l'évolution de l'homme sur la planète Terre. La conscience extraterrestre supramentale ne vient pas parler dans la tête de l'homme et elle n'apparaît pas non plus en vaisseau spatial. C'est l'homme, à un moment donné, qui exprime et il sait que ce qu'il exprime provient du neuf, donc ne provient pas de la mémoire de la planète Terre. Donc, cet homme a une conscience extraterrestre. Lorsque nous parlons de phénomènes hiérarchiquement extraterrestres, c'est-à-dire ces personnages qui viennent voir l'homme, qui le surveillent, qui lui donnent certaines choses, qui lui ont donné le maïs, qui viennent le missionner à faire, etc., etc., etc., ces extraterrestres devront un jour rencontrer des terrestres extra qui leur diront ce qu'ils ont à faire. Jamais l'homme ne devra s'assujettir à une hiérarchie extraterrestre. Jamais. J'ai suffisamment, dans plusieurs conférences, abordé ce point. Je ne veux pas trop m'étirer dessus. Si, à un moment donné, la personne revient et elle a d'autres questions, on pourra leur y aborder encore un peu. Comment s'abandonner intelligemment à la vie? C'est tout dit. Comment? On n'a qu'à s'observer. Ce sont des petites choses idiotes. La meilleure chose que l'on peut s'observer, le meilleur exemple que je peux donner pour la majorité des gens, c'est lorsque vous prenez votre douche. La prenez-vous habillée. Vous vous abandonnez à la vie. Et lorsque vous sortez de la chambre de bain, sortez-vous habillée. Vous retombez dans les préjugés, les concepts, les tabous, les mémoires, les blocages. Et là, vous venez de vous abandonner à la mort. Tu as déjà dit, on n'a pas de libre arbitre, mais pas de destinée non plus. Effectivement, ce soir, tu sembles dire que tout est prévu. Ce qui est prévu, c'est pour la mémoire, pour l'ego, pour l'âme. Lui, c'est prévu et destiné. Au niveau de la conscience, on peut changer tout ce qui regarde l'attrait de conscience dans cette création. Mais ce n'est pas la conscience qui va faire en sorte que je vais me créer une pomme si mon ego en a besoin. C'est autre chose. Lorsque je dis que l'homme n'a pas de libre arbitre, je m'adresse nécessairement à l'homme ancien, ce que j'appelle l'homme terrestre, le terrien, celui qui ne vit que de la mémoire. Celui qui ne comprend pas le nom libre arbitre. Celui qui est intimement assujetti au mensonge cosmique. Celui qui se laisse barrer et qui dit « oui, mais c'est normal ». Celui qui ne peut pas sortir de la chambre de bain sans être vêtu parce que ça ne se fait pas. Lui n'a pas de libre arbitre. La conscience de l'homme, elle, je dis de temps en temps que l'homme n'a pas de libre arbitre, mais que l'homme peut devenir libre. Dépendant à quel plan de l'homme on s'adresse. Ce soir, je dis que la conscience de l'homme reste vivante, et ça, elle a toujours été vivante. Par contre, tout ce qui, égoïquement, veut s'emparer du contact avec la conscience pour le mettre dans la matière, lui n'a pas de libre arbitre. A-t-on destiné, oui ou non? Vous pensez que vous pouvez courber l'espace-temps, alors que celui avant vous l'a déjà courbé, et donc pas de libre arbitre. Celui avant vous avait-il un libre arbitre? Ça revient à la même chose. La conscience de l'homme est totalement libre des assujettis, des manipulations du temps et de l'espace. Mais lorsque je parle de la conscience de l'homme, je ne parle pas de ce qui s'accapare de la conscience de l'homme du point de vue mémoriel. La conscience de l'homme qui dit quelque chose d'extraordinaire n'est pas la même chose que la bébête en dedans qui dit « Wow, il faut que je me rappelle de ça. » C'est autre chose. Alors le « Wow, il faut que je me rappelle de ça », lui n'a aucun libre arbitre. La conscience de l'homme, elle ne dira pas « Ouais, ben, faudrait qu'il pleuve pour que mes carottes poussent. » La conscience de l'homme ne meurt pas. Elle n'a pas besoin de carottes. Ça, c'est du rôle de l'ego. Et lui voudra qu'il pleuve pour que les carottes poussent. S'il arrive à trouver une technique pour qu'il pleuve, c'est que déjà, celui qui est passé avant, la conscience avait établi ses cheminements pour que les mémoires puissent s'engouffrer à l'intérieur et suivre le cheminement. Il y a une nuance majeure entre ce que nous appelons la conscience, qui n'évolue pas parce qu'elle est accomplie, et quand je parle de conscience, je parle de conscience instantanée, je parle de conscience supramentale, je parle d'intelligence réelle, d'intelligence active. Et il y a une différence majeure entre cette conscience qui n'évolue pas parce qu'elle est accomplie et la conscience égoïque, mémorielle de l'homme, qui, elle, n'évolue pas non plus, mais qui apprend et qui s'assagit. Technologiquement, placé sur la Terre et observé par des extraterrestres, est-ce possible? Peut-on construire notre destinée? On peut faire ce qu'on a à faire. On peut travailler pour changer de destinée et avoir l'apparence d'avoir réussi. Pourquoi? Parce que l'autre l'a déjà fait. On peut, au niveau de la conscience, changer des conditions d'évolution. L'homme peut fuir totalement la mécanicité évolutive planétaire s'il arrive à avoir une conscience anégoïque, autrement dit, s'il arrive à se détacher totalement des mémoires futures et passées. Est-ce que technologiquement, les extraterrestres peuvent nous espionner? De temps en temps, j'écoute, puis j'entends rire à tue-tête. Ils nous espionnent sans doute. Existe-t-il ailleurs qu'au Québec des humains ayant le savoir comme toi? Aux États-Unis, par exemple, il existe des personnes qui ont un savoir comme le mien. Quand un homme courbe l'espace-temps, il devient courbe pour tout le monde. Si une auto avance, tous les autres avancent. Mais si une est bloquée, comment les autres vont-elles avancer? Pour comprendre cette mécanicité, il faut comprendre une autre illusion du mensonge cosmique qui est reliée à la conscience collective de l'homme. Nous ne sommes pas tous dans le même monde. Nous vivons tous dans notre propre concept de monde. Nous avons une relation collective dans un monde mémoriel expérientiel, le ciel, le monde de la mort, là où vont les morts, avant d'aller là où vont les vivants. Et parce que nous sommes reliés dans cette conscience collective, nécessairement, nous mélangeons les mondes de tout le monde, et cela nous donne l'impression de vivre la même chose. Mais une explication de ce que je dis a été menée par Albert Einstein. Un objet ne peut occuper en même temps le même espace qu'un autre objet. Un objet ne peut occuper dans le même espace le même temps qu'un autre objet. Autrement dit, deux êtres humains ne peuvent pas être à la même place en même temps. Les mondes sont intermélangés. Si une personne courbe l'espace-temps, du point de vue des autres, elle deviendra un homme miracle. Ceux qui sont très proches pourront peut-être bénéficier de ce changement. Et les autres ne pourront que triper émotivement dessus. Nous parlons d'homme miracle. J'ai expliqué que du point de vue de l'homme, de l'humain, celui qui s'est disait son évolution, celui qui courbait l'espace-temps, devenait un homme miracle. C'est ce qui arrive. Ça n'influence pas nécessairement tout le monde. Si sur ma planète, je marche sur la Terre, et sur la vôtre, en mélangeant nos espaces-temps, vous me voyez marcher sur votre rivière, je marcherai donc sur l'eau. Si les Polaroïdes... Ah bon, parce qu'il écrit proche, je pensais qu'il avait inventé un mot, je suis content. Si les Polaroïdes avaient existé, on n'aurait pas eu besoin d'attendre la photo. Le temps va-t-il être exponentiel puis instantané? C'est exactement ce qui va arriver. La création, c'est le rêve de Dieu. Quel cauchemar! Qu'y a-t-il en dehors du rêve? Ni Dieu, ni désir, ni rêve, ni cauchemar. Mais quelque chose qui échappe et qui échappera toujours à la tridimensionnalité des mots et à la quadridimensionnalité cérébrale de la conscience dans un corps physique. Ça ne vaut pas la peine de tenter d'en parler. On pourrait passer bien du temps et s'amuser. Les électrons existent pour nos yeux et nos yeux pour les électrons. Cercle vicieux, exact. Un des deux devrait cesser, mais nos yeux sont faits d'électrons. Devrait-on voir énergétiquement pour faire cesser la création? C'est cela. Mais voir énergétiquement, ce n'est pas avec les yeux. Et voir énergétiquement, cela veut dire englober tous les points de vue en même temps. Comme un électron peut se présenter à un observateur. Il peut être sur tous les points de vue en même temps, mais il décide, si l'on peut dire, de s'adresser toujours sur le même point de vue. Et s'il y a 20 observateurs, ils verront tous la même chose. J'espère aussi. Sinon, pourquoi m'a-t-elle préparé une vie comme ça? La chose qui est passée avant nous, moi qui suis passé avant moi, connaissant toute la problématique de l'accumulation mémorielle par décalage temporel, eh bien, je me suis préparé quelque chose qui pourrait permettre aux archanges de préserver mon cheminement, donc ma mémoire future, et je me suis permis un chemin pour permettre à mon ego d'abandonner de plus en plus cette idéologie de la tradition, et la souffrance me brise, pour me permettre d'avancer plus rapidement. Autrement dit, celle qui est passée avant toi, si elle a un chemin souffrant, c'était pour que tu souffres encore moins longtemps. Pourquoi Richard Bach dit-il qu'on peut choisir la vie qu'on veut? Le cinéma, si on n'a pas de libre arbitre. Parce que Richard Bach le dit. On peut choisir sa vie du point de vue astral, du point de vue émotif. J'ai dit souvent que l'on pouvait s'inventer un passé comme on peut s'inventer un avenir. Ça ne change rien de ce qui va se passer. Par contre, ça change tout de notre vision consciente du monde. Pourquoi m'assujettir à souffrir quand je vois d'autres souffrir? J'essaie de vivre leur vie. Pourquoi dois-je me dire « j'ai été un mauvais père »? Invente-toi d'un passé, puis tu aurais été un bon père. Et ça change tout. Alors Richard Bach, lorsqu'il parle de cela, il exprime une consistance spirituelle reliée à l'évolution de l'âme. En ce sens, il a raison, même si lui n'y est pas parvenu. Et ce n'est pas grave, il y a énormément d'êtres humains, il y en a de plus en plus, qui ont un contact avec une parcelle de leur instantanéité. Cela leur permet d'exprimer d'une façon très passable, très vulgaire, vulgarisée, très acceptable, des choses qui ne pourraient pas être comprises autrement. Que s'est-il passé? Trop de choses pour le résumer, là. Ça fait 4 ans que je fais des conférences, et on va continuer, on va reparler. Lucifer aussi a voulu courber l'espace-temps. Est-ce un péché de vouloir aller plus vite? Le phénomène luciférien, Lucifer a effectivement voulu courber l'espace-temps. Sauf que Lucifer était une condition prévue. Une condition extrêmement utile, essentielle, pour que l'esprit de l'homme, qui par effusion devenait terrestrifié, ne devienne pas un être matière qui oublierait totalement sa provenance, de façon à ne même pas chercher le déplacement spatio-temporel, l'événement qui le ramènerait vers son point source. Les forces arimaniennes vont engendrer, par l'intermédiaire d'expressions sataniques, l'attrait du luxe, l'attrait de la matière, le goût de la vie, le goût de la planète, le goût de la nourriture, tout ce qui permet à l'humain d'avoir peur de la mort pour le conserver vivant dans un corps matériel. Pour que l'humain ne perde pas totalement sa consistance ou l'idée même de son rôle dans l'univers, une partie luciférienne devait l'habiter. C'est elle qui va engendrer l'âme et l'ego. C'est elle qui va engendrer l'idéologie de l'évolution. C'est la partie luciférienne à travers chaque être humain qui maintenant va vouloir quitter le contexte matériel, même s'il devra lutter contre le contexte arimanien ou satanique qui le retient dans le cadre de la matière. Pourquoi? Parce que l'évolution doit se faire dans le corps avec de la conscience. L'évolution doit se faire dans un contexte arimanien, supporté par un contexte d'être de lumière, porteur de lumière, égale Lucifer. Ce qu'il a fait est similaire à ce qui se devra d'être fait. Le Nazaréen lui a accompli une courbure totale. Et ce n'était pas luciférien, c'était christique. C'est autre chose, il était dans un autre temps. Si vous dites que l'homme ne sait qu'après avoir agi, d'où prenez-vous votre savoir? Je parle évidemment de l'homme qui fonctionne avec son plan égoïque, de l'homme amique, de l'homme qui doit réfléchir avant d'agir, de l'homme qui doit penser pour comprendre, de l'homme qui se plaît à souffrir parce qu'il entretient ses souffrances, de l'homme qui peut passer plus de temps de sa vie à s'occuper de ceux qu'il hait que de s'occuper de ceux qu'il aime. Je ne parle pas de l'être humain qui, lorsque le feu prend chez lui et qu'il n'a jamais expérimenté le feu, il sait exactement ce qui doit être fait. Il a un savoir instantané. Je ne parle pas de Louis Pasteur qui savait, même s'il n'avait pas expérimenté, que les microbes existaient dans l'air. Je ne parle pas d'Albert Einstein qui savait aussi que les masses courbaient le temps et la lumière. On n'a pas besoin de tout expérimenter pour savoir. Si on a la courage de laisser exprimer le savoir instantané, l'intelligence active, ce qui nous passe par la tête. J'ai appris par des cours en médium holistique, en médecine holistique, qu'il y avait 75% du monde hypoglycémique, trouble endocrinien. Qu'en pensez-vous? 100% des gens ont des problèmes endocriniens. La preuve, ils vieillissent. L'hypoglycémie, effectivement, la majorité des gens en souffrent parce que leur ego, dans la phase actuelle de conscientisation, lutte tellement contre le peu de neuf qui leur parvient qu'ils puisent énormément d'énergie. Et nécessairement, le corps devra prendre énormément d'énergie, ce qui va engendrer une perte, un manque et un problème à la longue d'assimilation des glucoses. Il y a énormément de gens qui sont hypoglycémiques, mais ce n'est pas une pathologie en ce sens que c'est extrêmement contrôlable, même dans leur ignorance. Ça ne vaut même pas la peine de passer des tests d'hypoglycémie réguliers, histoire de savoir si la chose naturelle est anormale. Tu as répondu jamais à la question que j'avais mal formulée la semaine dernière, à savoir si on exprime verbalement l'émotion. Exprime-t-on verbalement le sentiment? Oui. Que penses-tu des fatalistes? Les fatalistes, ce sont des êtres humains qui risquent de recommencer le cheminement qu'ils viennent de parcourir. Ce sont des personnes qui vont même aller jusqu'à oublier leur propre conscience. La conscience va donc devoir aller rechercher le début de la mémoire pour maintenant la refaire cheminer aussi. Daniel, veux-tu donner plus de précisions sur le fameux bouclier canadien? J'ai fait une conférence, donc je donne 2 heures de précision. C'était le Québécois, une race à part. Je traitais les Québécois de cochons. Bon. À travers cette conférence du Québécois, une race à part, j'ai défini le bouclier canadien. Si on veut plus de commentaires, on peut se référer à la conférence. Le bouclier canadien, c'est la première terre de surface géologique. C'est reconnu par la théologie, c'est reconnu par l'ésotérisme, c'est reconnu par la géologie, c'est reconnu par l'archéologie. Bref, c'est reconnu. Le bouclier canadien, c'est presque l'ensemble du territoire canadien. C'est tout le Québec, en excluant le Labrador, les plaines du Saint-Laurent et nécessairement ce qui est au sud. C'est une grande partie de la partie médiale de l'Ontario. C'est l'Alberta, la Saskatchewan, c'est le Manitoba, c'est les territoires du Nord-Ouest. Alors, on peut fouiller dans un atlas, bouclier canadien, puis on saura qu'est-ce que le Québec ésotérique. Le Québec qui a été prophétisé depuis très, très longtemps en Europe et même en Égypte, et qui s'appelait à l'époque K-E-B-E-K, Québec. Si tu sors de l'espace-temps, qu'arrive-t-il des autres traces mémorielles de toi en avant et en arrière? Elles vont se coller, c'est-à-dire que lorsque nous montons, ce qui, avant et après nous, arrive, se touche, et ça va faire ce que ça voudra faire, ça continuera ou s'arrêtera, ça dépendra du schéma de conscience. Chose certaine, c'est ce qui est passé avant nous, a plus de chances de courber le temps que ce qui suit. tu réussis à courber l'espace-temps et à prendre un raccourci, c'est que ton précurseur l'a fait. Je reviens encore à l'idée, pas nécessairement. Le cheminement matériel est un cheminement quadridimensionnel, et ce cheminement matériel peut être courbé sans être déformé. La conscience qui chemine dedans en courbant la forme peut être libérée, tandis que la forme reste la même. On revient avec le ballon de baudruche. Tout change, mais rien ne change au niveau de la forme. Je vous jouerai un peu avec ce concept, si l'on veut, et vous allez finir par comprendre. Pourquoi les Québécois sont-ils plus aptes que d'autres à passer par ce raccourci pour l'instantané? Il en est ainsi. On peut encore se référer à la conférence de Québécois une race à part, PART. Ah, il était temps qu'ils le disent. Il y en a déjà qui me trouvent un peu impoli, alors imaginez-vous, le Québécois une race à part. Alors, une chance que je ne l'ai pas dit comme ça, hein, parce que là, ça aurait été un problème. Hein? Prévois-tu quelques catastrophes pour vouloir recourber le temps? Non, c'est économique en énergie. Nostradamus était-il en contact avec l'astral ou le supramental? Michel de Nostradamus était en contact avec les plans astrales. Courber le temps pour arriver là d'où nous sommes partis, ça veut dire prendre un raccourci, shortcut. N'y a-t-il pas de danger d'aboutir ailleurs que là d'où nous sommes partis, c'est-à-dire de nous perdre? La conscience instantanée permet à l'homme de savoir tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. L'ego, dans son évolution actuelle, doit y faire confiance. L'ego appelle cela Dieu, il appelle cela l'esprit, il appelle cela quelque chose. L'esprit, le savoir instantané, la conscience supramentale, la conscience christique ne se trompent pas. Nous pouvons courber l'espace-temps et nécessairement, nous arriverons là où nous devons aller. Parce que là où nous devons aller, le temps est tellement courbé qu'il n'arrive même plus à être exprimé. Qui était Lucifer et quelle a été sa conséquence? Je l'ai expliqué. L'adoption du hibou blanc comme emblème a-t-il un lien avec la Terre Blanche Québec? C'est un lien qui est très spirituel, mais c'est une décision qui provient d'un archétype, donc d'une mémoire archangélique, d'une protection de la tradition, un peu comme le drapeau du Québec d'ailleurs, et comme d'autres formes symboliques. C'est effectivement quelque chose, il y a un parallèle hautement spirituel, il n'est qu'émotif. À quand le retour, non pas du Jedi, c'est bien, mais de l'estrade qui permettait de mieux vous voir et d'un intervieweur à tes côtés? Bon, l'intervieweur, il a décidé de prendre des vacances. Et l'estrade aussi. La chose la plus simple ou presque pour accélérer l'évolution, pour minimiser la souffrance, serait de suivre l'énergie qui nous pousse. Exemple, quand on a beaucoup de difficultés à aboutir dans un projet, c'est parce qu'on n'utilise pas le bon chemin pour arriver au but. Toute évolution se devrait être facile. Alors, la personne qui explique cela, elle a raison. Considérez-vous l'homme moderne comme un intoxiqué, donc omnibulé, glande endocrine débalancée? J'ai expliqué souvent que tout le phénomène astral, l'émotion, d'ailleurs c'est un phénomène, c'est une chose sur laquelle je reviens plus souvent en séminaire, de temps en temps je dis je l'ai expliqué, mais il faut que je me rappelle où. Tout le phénomène émotif, tout l'astral s'exprime par la voie thalamienne, donc par le système endocrinien. Et nécessairement, chaque fois que l'être humain a une émotion, il se détruit. S'il est bien détruit, il peut se remonter endocrinalement, donc il se soulage par certaines formes d'émotions, et s'il continue, bien, il passe de l'autre côté de la balance, il recommence à se détruire. Intoxiqué, non. Pourquoi? Parce que c'est un cheminement naturel, mais inintelligent du point de vue d'une conscience. Monsieur Kemp prend pas de thé. Êtes-vous un avatar? La personne avatar, voyez, il a mis un thé. Oui, Melchizedek. Bon, je ne ris pas de la personne, je ris de la question. Ce n'est pas important qui je suis, l'important, c'est de savoir qui vous êtes. Et on ne se pose jamais la question si on veut avoir un jour la réponse. Jésus le Christ était-il un avatar? Il a fait office d'avatar, il était autre chose qu'un avatar. Comment harmoniser le mental, le physique et le spirituel? Le mental, je ne parle pas de l'intellect, le mental est la seule condition énergétique dans la conscience neuronique de l'homme qui entrera en contact avec les forces supramentales qui vont lui permettre d'entrer en contact fusionnel avec son double éthérique et de pouvoir accomplir, si bon lui semble, une courbure spatio-temporelle. On y revient de toute façon sur la semaine prochaine. Le plan spirituel est le phénomène archétypal, le phénomène tampon qui permet temporairement à l'homme de cumuler de la mémoire d'évolution de façon à continuer à conserver l'illusion qu'il évolue alors qu'en réalité l'évolution est terminée. Le plan physique, c'est le support nécessaire à la récupération de l'espace-temps vers le centre source. C'est le support nécessaire à la récupération du reste de la conscience vers ce qui l'a laissé. Que vient faire la souffrance dans la trace mémorielle de mon prédécesseur? Je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. La souffrance, c'est ce qui permet à l'homme de ne pas trop se cristalliser dans son passé, dans sa mémoire du passé. Cela l'oblige à devoir aller feuilleter un peu le reste du livre, la mémoire de l'avenir. Je suis dans ma maison, j'ai gagné 9 500 000 $ à la loterie. Et voilà, je n'ai plus rien à faire, c'est au bout. Et là, je m'achète une radio, je fais des voyages, je me rappelle tout ce que je veux faire. Tous mes vieux désirs, je les accomplis. Une bonne souffrance va m'obliger à faire d'autres choses. Lorsque l'homme comprend l'intelligence de l'amélioration, la souffrance lentement va disparaître. Les archanges protègent la mémoire du futur. La protéger contre quoi? Contre l'oubli. Le temps a un défaut, si l'on peut dire, c'est qu'il se courbe lui-même. C'est d'ailleurs ce qui explique l'illusion de l'expansion de notre univers, l'illusion des galaxies qui s'éloignent. En réalité, elles sont toujours collées les unes sur les autres, mais la courbure du temps fait que la lumière prend plus de temps à venir nous rejoindre et cela nous donne l'illusion d'un éloignement. Les archanges ont comme fonction de préserver, d'énergiser, d'archétyper, de continuer à réénergiser les mémoires, c'est-à-dire elles font tout pour que la courbure du temps ne se déforme pas, de façon à ce que l'humain ne joue pas trop à travers un paquet de phénomènes qui cosmiquement ne nuisent pas, mais qui humainement font souffrir. Les archanges sont des protecteurs de l'humain, de l'âme de l'homme, pas des dieux. Est-ce que la personne qui est passée avant nous n'était-elle pas elle aussi la mémoire du passé? La personne qui est passée juste avant nous, oui. Formant ainsi un cycle éternel qui n'arrête pas de finir. Non, parce qu'il y a une conscience, ce n'est pas une personne, mais elle a occupé un espace-temps pendant un temps qui n'est presque incommensurable, tellement infime au niveau de ce que nous appelons le temps. Il y a eu la création, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et dans ce rien, il n'y avait rien, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas de temps, pas d'espace, il n'y avait rien. Et même cela ne peut pas être compris par quelque chose qui est là. Subitement, ça vient pour apparaître, nous sommes passés, nous avons fini. Et maintenant, il reste toute la mémoire du phénomène au complet. Ça prendra quelques milliards de rotations de notre Terre autour du Soleil pour que finalement, on arrive à éliminer ces choses. Je ne comprends pas comment la mémoire décalée du passage d'un être, peut-elle courber le temps si l'être ne l'a pas fait au début? Je reviens. Le papier, c'est la vie de l'homme. La conscience, c'est moi. Je courbe le papier, mais je n'ai rien déformé du papier. Tout ce qui est sur le papier ne sait même pas que le papier est courbé, pas du point de vue de leur conscience. La vision de l'homme est tellement petite qu'elle ne sait pas. Pendant longtemps, la Terre était plate, elle était courbe. Mais la vision qu'on en avait était tellement limitée qu'on ne pouvait pas voir qu'elle était courbe. Alors que la Terre ait été plate ou courbe ou de n'importe quelle autre forme, jamais on ne l'aurait su. Maintenant que la vision de l'homme s'étire, que la conscience de l'homme s'étire, il commence à découvrir que la Terre était courbe. Il y a d'autres phénomènes qu'il croit droit, et c'est encore une fois courbe. L'homme jeune et libre a plus de libre arbitre que l'homme vieux et prisonnier à vie. Ah oui, alors pourquoi avons-nous dit « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait » Les deux sont pognés. Il peut agir beaucoup plus à sa guise que le prisonnier. C'est faux. Il croit pouvoir plus agir à sa guise que le prisonnier. Mais il y a beaucoup, il y a autant, disons, d'humains qui souffrent à l'extérieur des prisons qu'en dedans des prisons. Celui qui est à l'extérieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maudit, j'ai pas le taux que je voudrais. Bon, il dit, ma femme vient de me lâcher, mon mari vient de partir. Il dit plusieurs choses. Il y a même des personnes à l'extérieur qui finalement deviennent moines et rentrent dans une prison. Et pour trouver un peu plus. Toi qui aimes d'un amour intelligent, ris moins fort des auditeurs à CKVL. On t'entend dans l'amour intelligent. Bon, ne descends pas plus bas qu'un certain niveau, n'est-ce pas? Continue d'écrire ton livre, ça va t'aider. On aurait aimé garder nos illusions sur toi. Toi-même, en as-tu encore? Encore une fois, c'est une personne qui a besoin de se supporter un peu. Et je n'ai rien contre, ce n'est pas un problème. C'est bien qu'on se supporte un peu. On peut regarder dans un miroir ou une photo et de dire, ben vois-tu, je suis quand même plus beau qu'elle. Ou encore, lorsqu'on va voir le dentiste, eh bien le dentiste dit, ah, il y a une carie ici. Et on peut se lever, ouais, ben monte dans ta bouche, toi, voir. On peut. Quand on n'est pas capable d'apprendre à rire de soi, on a de la difficulté nécessairement à comprendre des choses. Lorsque l'on se sent insulté, c'est que l'on croit ce que l'autre dit. Et on va tout faire chez nous pour essayer de ne plus y croire. Et la seule façon d'y parvenir est appelée se défendre. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de nous et qu'on n'y croit pas, on n'a pas besoin de se défendre. Lorsqu'on se sent frustré, c'est que nécessairement, on a raison. Rire des auditeurs de CKVL, je ne l'ai jamais fait. Lorsque de temps en temps on me pose une question magistrale et je réponds que je ne veux pas répondre en onde, je préfère le faire en conférence ou en séminaire, ou si je vous rencontre, la personne va dire, ah oui, mais nous prenez-vous toutes pour des caves? Non. Il y a une personne qui est nonchalante, qui ne sait pas trop, qui a de la difficulté à supporter sa vie. Et à un moment donné, elle s'accroche à Krishna. Et là, moi, j'ai un mormon, ou j'ai un catholique, ou j'ai un bon chrétien qui veut absolument me faire dire que Krishna, c'est de la merde. Et moi, je lui dis, je ne veux pas continuer en onde. En vous rêve, ça c'est donc de rire de nous. Pourquoi vous nous prenez? Si je te dis que Krishna, c'est de la merde, il y a un gars qui va se suicider. Mais je ne peux pas, moi, parler à ce gars, parce que ce gars-là, il va peut-être éteindre la radio, peut-être changer de poste. Alors, je ne ris pas des auditeurs de CKVL. Ou d'autres postes que je vais. Je m'ajuste. Et lorsqu'un individu n'est pas capable de le supporter, il pense que je ris des gens. Je ne ris pas. Si nous courbons l'espace-temps pour retourner plus vite au point source, n'y a-t-il pas danger d'en oublier quelques-uns? Ou tout simplement, il faut bien, je reviens encore à l'idée de la conscience, c'est que la conscience s'échappe et le reste suivra son cours ou courbera aussi l'espace-temps. Plus vite l'espace-temps sera recourbé, plus vite les choses aboutiront là où elles doivent aboutir, en réalité là où elles sont déjà abouties. Est-ce qu'il y a intérêt? Bon, la personne pose la question qui est très intéressante, qui est utile. En admettant qu'une personne ici courbe l'espace-temps et peut s'en échapper, est-ce qu'elle aurait une utilité, une raison de revenir sur le plan planétaire de façon à aider d'autres individus à courber? C'est le rôle des Melchisedec. J'ai des désirs ardents d'améliorer ma qualité de vie, de faire de nombreux efforts physiques et mentaux. Y a-t-il une autre façon? Bon, alors écoute bien ça, François. Il y a effectivement d'autres façons. Il y a des façons qui ne sont pas bonnes à dire pour la simple raison qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas tout comprendre d'un coup. C'est une question qui est relativement personnelle, et puis de temps en temps, je traîne ici en bas, alors si tu venais me la reposer, on pourra en parler. Daniel, tu as dit ce soir et d'autres fois en parlant de la création de la Terre, c'est un accident stupide. Quelque chose du genre. C'est une phrase que je dis et pense moi-même. Pourtant, tu dis que tout est intelligent. Régie d'intelligence, l'intelligence est-elle imparfaite? Comment donc ton expression? Quand je dis que la création est un accident stupide, je parle nécessairement du point de vue de tous ceux qui y sont confinés. C'est comme de dire, du point de vue du foie qu'on opère, que l'opération est stupide. Mais pas du point de vue de l'humain dans lequel se trouve le foie. Il y a énormément de choses que je dis qui s'adressent à des niveaux différents de l'humain. Et on devra apprendre à la longue à savoir à quel plan je m'adresse ou à écouter avec le bon plan certaines choses. Lorsque je dis à quelqu'un « lâche pas, t'es capable », je ne m'adresse pas à son plan mental. Son plan mental le sait qu'il est capable. C'est fait. Je m'adresse à son plan psychologique. Alors la personne, s'il me pose la question par la suite, un jour, je t'ai entendu dire à quelqu'un « lâche pas, t'es capable ». Je comprends pas. Tu as déjà dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Oui, mais je ne m'adressais pas à toi, je m'adressais à l'autre. Daniel, peux-tu approfondir le thème de l'ange séraphique? Est-il notre corps éthérique? Oui. Lorsque tu parles de l'espace-temps, du passé et du futur, je le vois sauf une forme, sous une forme linéaire, et que, très linéaire d'ailleurs, parce que chaque phrase est embarquée une par-dessus l'autre, là, et que la courbure du temps devient l'éclatement de la continuité. Explique. Est-ce la cinquième dimension? Non. La cinquième dimension, c'est une émission de télévision. Bon. Il y a 13 dimensions. Les 13 dimensions ont été fusionnées, focalisées dans 4 dimensions. On va revenir sur le corps séraphique. Explique ce que veut dire lorsque l'on voit l'aura d'une personne couleur grise avec du noir. Bon. Lorsque l'on voit l'aura d'une personne, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'aura est une enveloppe d'énergie vitale qui est créée par l'énergie qui permet aux atomes de pouvoir rester ensemble. C'est simplement un champ énergétique. L'aura d'un individu, l'aura vitale est perceptible sur n'importe quel objet. On en voit sur tous les objets. Et normalement, ce que l'on voit, c'est la diffraction de la lumière dans l'aura. Ça ressemble à quelque chose comme un petit peu flou. L'aura astrale, c'est l'expression vibratoire de l'âme. C'est encore une fois de type vital, donc c'est relié encore à la structure atomique et subatomique qui constitue le corps de l'homme. C'est beaucoup plus grand et ça n'a pas de limite. C'est un rayonnement énergétique qui va jusqu'aux confins de l'espace-temps et qui finalement lui revient par l'autre côté. L'homme cesse de la percevoir à un certain moment donné et il appelle cela la limite, l'enveloppe de l'âme ou de l'aura. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on voit une aura de couleur grise avec du noir? Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Pour la simple raison que toutes les personnes qui étudient la vision de l'aura ont un problème. Elles voient toujours l'aura de quelqu'un au travers de la leur. Cela veut dire que si son aura est jaune et que la mienne est verte, je la verrai bleue, son aura. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'il a une aura bleue? Ça veut dire que ou la mienne est verte, ou la sienne est jaune, ou la mienne est ceci, ou la mienne est cela, ou il y a telle coloration, ou bon, bref, voilà ce que ça veut dire. Qui est l'autre qui décide de venir aux conférences si ce n'est pas moi? Qui décide en moi de devenir mon maître si je suis une marionnette? L'ego, en s'égoïsant, lorsque je suis mon seul maître, est-ce que j'ai un libre arbitre intelligent ou tout ce qu'il y a à faire est intelligent? Alors, je l'explique encore une fois debout. Le feu est pris. Il y a une porte. Est-ce que j'ai le libre arbitre de sortir ou de rester? Si je suis bien cave, je vais rester, mais ce n'est pas un libre arbitre. Parce que je suis con. J'ai pas vu le feu. Si je suis intelligent suffisamment pour me dire « Hey, ça brûle, faut que je sorte », déjà là, c'est réactionnel. Et je vois une porte, je dis « Ah, ben c'est la seule sortie. Est-ce que j'ai le choix de la prendre ou de ne pas la prendre? » Quand on devient intelligent, quand on n'est pas suffisamment vibratoire, on n'a pas le choix, on prend une solution. Et souvent, ce n'est pas la bonne, et de temps en temps, c'est la bonne. Ça gonfle notre orgueil. Lorsqu'on devient extrêmement intelligent, quand je parle d'intelligence, je ne parle pas d'intellectuance. Je parle nécessairement de l'intelligence instantanée. Lorsque je deviens instantanément intelligent, je vois immédiatement la seule solution la plus parfaite. Et parce que je suis intelligent, je n'ai pas le choix, c'est elle que je prends. Donc, je n'ai pas de libre arbitre, et ça ne me dérange plus. Tout ce que je voudrais qu'il arrive, c'est ça qui arrive. Alors voilà, j'ai deux petites questions ici qu'on n'a pas le temps de parler. La semaine prochaine, c'est comment permettre la fusion. En attendant, prenez-vous pas trop au sérieux, traversez à travers les portes, puis s'il se prend, sortez.